le Salon de la passion médiévale de Québec. Venez vivre l'expérience. T'as pas parti très très loin. Bienvenue à Terra Incognita. En compagnie de Vincent Delisle, comme vous le savez très bien, c'est le festival du même nom qui bat son plein à la petite chapelle de Villevanier. Toute l'équipe est là-bas pour le spectacle d'Anecdoton. Donc, je viens frapper en relève pour la gang de l'émission. Je vais peut-être les voir à minuit, je ne sais pas trop. Je pense qu'Anecdoton, ça doit se terminer peut-être vers 11h30. Je ne sais pas s'ils vont revenir à la station. Stéphane Villeneuve, qui est au show, lui en tout cas, il faut qu'il revienne. Parce que s'il ne revient pas, il va être dans le trouble. Mais autrement, pour les membres de l'émission, sûrement qu'on va en entendre parler à minuit. Ne serait-ce que Stéphane va nous donner ses impressions, bien entendu. Pour ce soir, j'avais préparé plusieurs disques. Il y aura du Echoline, également du Grizzly Bear, Days Between Stations, ça c'est une courtoisie de Jacques Dulac, c'est lui qui m'a prêté les CD, et également, en tout cas, vous constaterez par vous-même. Pour tout de suite, un groupe du Québec, à tout seigneur, tout honneur, je me suis dit que ça pouvait rendre justice à ce qui se fait au prog. Après tout, on dit souvent que la province de Québec est le pays du prog. Probablement qu'avec des groupes comme Inner Space, on en a la meilleure preuve. Donc, acte. Vous êtes à l'antenne de CKRL, la Terra Incognita.

Center of the wheel to the stillness of the spiral, and then bounce back to the world. Translucent liquid lunar mother and the silver. The tides. Are you fly? Out upon your flying carpet of vibrating, loving, glowing feeling, more inside you go. So you touch the fine points, the energy is inside you, and want to fire in there. But love is the law that turns the spinning star. Maybe less, maybe more, above and say you are wrong. So spin on. Steve Village, Fish, ça s'appelle comme ça. Et le disque, ben, c'était Fish Rising. Ça date vraiment d'une autre époque. C'était en 1976 que ça sortait. Et comme vous le savez probablement, Steve Village a été membre de Gong en compagnie de David Allen, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Quand on regarde le line-up des musiciens qui accompagnent Steve Village sur Fish, ben, c'est vraiment toute la planète Gong, ou presque, qui y est. Didier Malherbe est dessus, Pierre Morlaine, ça, c'est tous des gens qui ont, à un moment donné ou l'autre, été partie prenante de l'aventure Gong. Également, on retrouve un certain Dave Stewart, qui a été quand même avantageusement connu grâce à Kamel, je pense qu'il a été également dans Caravan, et avec Matching Mall aussi, avec Robert Wyatt. Et c'est une excellente œuvre, ce disque-là. C'était à ce moment-là son premier album solo. Et il sortait de Gong, Steve Village, et je pense qu'il avait signé un très lucratif contrat avec Virgin Records, qui, à ce moment-là, était la terre d'accueil de beaucoup de musiciens progressifs. On a juste à penser à Michael Oldfield, qui avait frappé le jackpot avec le soundtrack de The Exorcist. Je ne sais pas si Richard Branson, grand Manitou de Virgin, s'imaginait faire autant d'argent avec Steve Village. Mais en tout cas, il lui a donné sa chance et ça a donné une série d'albums solo. Ça, Fish Rising, ça en est un. On pourrait parler également de L, ça s'appelait simplement L, la lettre L, qui était produit par un dénommé Todd Rundgren. Ça, c'est un album que je cherche très, très, très fort, mais qui est rare comme de la X de pape. Mais tout de même, déjà de Steve Village, avoir Fish Rising, c'est comme une espèce de Saint Graal du prog, sans aucun problème. Je ne saurais trop vous le conseiller. Et en ouverture, on a eu un triplé du groupe Inner Space, Intro, Land of Hope et Wildflower. Tout ça, c'est sur The Village. Et il est bon de savoir que Inner Space a mené une espèce de campagne de souscription pour enregistrer leur deuxième opus. Ça s'en vient de ce que j'ai pu lire sur la page Facebook des gens d'Inner Space. Ils viennent de rentrer en studio. C'est en train de se réaliser et dans quelques mois ou quelques semaines, ça sera disponible. Évidemment, nous autres, on en a parlé aux Illusions auditives. On a invité des gens à donner de l'argent. C'est la nouvelle façon de faire. Il y a beaucoup de musiciens, plutôt que de s'en remettre à des compagnies de disques qui, de toute manière, n'en ont strictement rien à foutre, ils préfèrent fonctionner le DIY, le bon vieux système du DIY, do it yourself. Je pense que c'est encore la meilleure façon de procéder. Et Inner Space l'ont très bien compris. Leur musique sent Pink Floyd des lieux à la ronde. Mais maudit que c'est bon. C'est une très bonne relecture, une influence qui a été bien digérée. Et on verra bien avec le deuxième qu'est-ce que ça va donner, tout ça. Je vous rappelle que vous êtes à Terrain Incognita en compagnie de Vincent Delisle. Toute la gang est à Anecdoton. Alors nous autres, on frappe en relève et comme de bien entendu, on espère que vous appréciez la musique que nous vous passons. J'ai pigé dans ma collection personnelle, Jacques m'a prêté quelques disques et j'ai les compilations Terrain Incognita sous la main. Donc vous ne serez pas trop dépaysés. Pour tout de suite, on s'en va avec un groupe canadien qui vient de Vancouver, je crois, s'appelle Black Mountain. Queens Will Play à l'antenne de CKRL. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir, bienvenue à La Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clés, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pince graphique puis une tuque. Tressée ou à rabat noir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Cruchon de lait d'intérêt pour emporter? Madame, non. Chéri, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à La Barberie. À La Barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. À ne pas manquer en mai au Bar Rock, la source de la Martinière. Horaz, jeudi 30 avril. Capsize, dimanche 3 mai. 68, lundi 4 mai. Soirée Folk Rock avec The Free Walker, vendredi 8 mai. The Mashup et Swiss Knife, samedi 9 mai. La Ligue d'impro, la Libido, mardi 12 mai. The Lazy, mercredi 13 mai. Counterpunch et Crossdog, jeudi 14 mai. QCDM Death Metal Fest, samedi 16 mai. Pour plus d'infos, suivez-nous sur Facebook. À la source de la Martinière, il faut que ça coule. Le 31e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 14 au 17 mai 2015. Au programme, Jean de Rome, Sons and Jerusalem in My Heart, D-Roof, Layback, Marc Ribot, Ceramic Dog, The Nels Klein Singers Unlimited, Magma et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concert, un circuit d'installation sonore dans l'espace public et une exposition d'art visuel. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez fimav.qc.ca. Du 14 au 17 mai 2015, venez vivre l'expérience du 31e FIMAV. 89.1. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. Fait très ancien, il y a quelques 45 ans. Et Seigneur, je ne sais pas c'est qui la voix rocailleuse et rauque qui nous assène ces vérités d'un autre âge. Mais en tout cas, c'est sympathique. On ne sait même pas s'il parle vraiment de CKRL de toute manière. Dans le dernier bloc, Glasshammer avait ouvert le bal avec Long and Long Ago. C'est tiré d'une compile de Terra Incognita, justement. On a enchaîné avec Brother Hape, Echoes of Madness, et j'ai oublié le premier morceau du bloc. En fait, c'était Black Mountain, Queens Will Play, ce qui m'a valu un appel enthousiaste de Martin du RTC. C'est lui qui m'avait fait découvrir ce groupe. À un moment donné, il m'avait téléphoné pendant les illusions auditives. Il dit « Hey, toi, t'as l'air à triper sur le bon son. » Il dit « Faudrait que tu te procures du Black Mountain. » Un groupe dont les albums sont pas nécessairement faciles à se procurer, mais par contre, j'ai eu beau essayer de trouver le disque qu'il m'avait conseillé, j'ai jamais été capable. Finalement, je m'étais rabattu sur Into the Future, et c'est de là qu'était tiré Queens Will Play, Black Mountain, un groupe de Vancouver. Je vous rappelle que vous êtes en compagnie de Vincent Delisle, en remplacement à Terra Incognita. Probablement que le spectacle d'Anecdoton doit être sur le bord de se terminer, je ne peux pas le jurer. Peut-être, il reste peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, gros max. Je suis certain qu'on a bien du fun là-bas. J'aimerais saluer également Florian qui m'a lâché un coup de fil pour placoter un petit peu de Dr. John. Ça a moins rapport avec Terra Incognita, mais on va peut-être s'en reparler aux Illusions auditives la semaine prochaine, parce que Florian a vu Dr. John sur une chaîne spécialisée sur le câble. T'es bien impressionné. En fait, il l'avait déjà vu en spectacle à l'époque, en 1972, au Festival de Manceau. Pour les plus vieux, ça vous évoque peut-être quelque chose, ce nom. C'est un festival un peu dans la veine des Woodstock, Hill of Wight et compagnie. C'est au Québec, on avait essayé de faire pareil, sauf que ça n'avait pas nécessairement bien viré. Ceci dit, Dr. John y était, et notre ami Florian, auditeur fidèle également. J'en reviens à Anecdoton. Excusez-moi, je fais du coq à l'âne, c'est épouvantable. Faudrait bien en faire jouer quand même, vu que ce sont quand même ce groupe suédois qui est à l'honneur ce soir. C'est toute une tournure de langue française que je viens d'utiliser. Tout de même, donc, Anecdoton, Karelia. Vous êtes à Terra Incognita, à CKRL.

Les deux dernières pièces, Grizzly Bear, un doublé tiré de Shields, disque sorti en 2013, un des meilleurs en ce qui me concerne de cette année-là. C'est un auditeur, Martin Desnoyers, que je salue en passant, qui m'avait conseillé ça. Des fois, je dis que la radio que nous faisons ici à CKRL, c'est également la vôtre. Et j'ai passé de mes 10 doigts pour compter le nombre de fois où des auditeurs, des auditrices nous ont téléphoné. J'exclus, même l'autoroute, c'est pareil. Ils nous appellent, ils nous demandent des trucs, puis bon, on l'a ou on l'a pas, mais vous devriez vous procurer ça, c'est excellent. Et je dirais qu'à tous les coups, les auditeurs nous connaissent et nous les connaissons, évidemment. Et à tous les coups, ça fonctionne, c'est très souvent excellent. Donc, Grizzly Bear, on a entendu Adelma et Yet Again. Vraiment, là, c'est du grand rock. Peut-être pas progressif. On se promène à la frontière du folk, du psychédélique et peut-être du prog un peu. Et c'est vraiment, vraiment très bon. Juste avant, Days Between Stations avec Visionary sur le disque In Extremis. Sorti une couple d'années, 2013, ça aussi également. Et on avait débuté avec Anecdoton Carédia en ayant une pensée émue pour Michel Bilodeau et sa gang qui sont probablement en ce moment en train de taper un rappel, un vigoureux rappel à la chapelle, la petite chapelle de Vidvonjouille. Probablement qu'ils en ont eu pour leur argent avec le groupe suédois. On s'en va tranquillement pas vite vers l'autoroute. Je vous rappelle que vous êtes à l'antenne de CKRL, à Terra Incognita, avec Vincent Delisle en relève. Moi, il me reste bien qu'à attendre que Stéphane arrive, finalement. Mais au cas où il y aurait retard, j'embrayerai l'autoroute avec plaisir. Pour tout de suite, j'en ai fait jouer aux illusions ce soir, puisque le groupe a sorti un nouvel album. Je parle de My Morning Jacket. Le disque, le dernier disque sorti la semaine dernière est excellent. Mais évidemment, je m'étais dit, je prends passer également à Terra Incognita, étant donné que certaines de leurs pièces ont des ambiances quand même assez planantes et ça fit avec le reste. On retourne 4 ans en arrière avec le disque Circuital, un excellent album. La pièce Victory Dance. Vous êtes à C'est Kyrel. Should I close my eyes and prophesize, hoping maybe someday come? Should I whip the ground with my old tears, crying over what's been done? Should I lift the dirt and plant the seed, even though I've never grown? Should I wet the ground with the sweat from my brow and believe in my good work, my good work, my good work? We'll be right back.

blood-soaked emotions under the pouring clouds track. Drifting far ashore, I lie in this mortuary barge, leading my mind's inner war on the seas of gnomes of soul and poisons your very breath. And when the black tides split broad, when the sky seems brown, before such forces I'm awed till I begin to drown. Tracked down by the deep my own losing grasp of reality, slipping off the zone in the whirlpool of my sins. Darkness has grown and invaded me, infected me while I was alone. close together on the page. We live it down. She has made place for me in life for those our children. Sewn into her Swedish purse. Think upon these things. Le groupe s'appelle Woven Hand. Swedish Purse, c'est le titre de la pièce. Et on retrouve ça sur une très intéressante compilation du magazine Mojo qui s'intitule The Quiet Revolution. L'idée de ça, c'est de donner une petite idée du revival folk tel qu'on l'a, on l'obtient en Angleterre, un petit peu aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des bandes comme Fleet Foxes qui représentent très bien ce mouvement. Et en Angleterre, on peut penser justement à Woven Hand ou également Espers. C'est des groupes qui reprennent le folk, mais d'une manière qui frôle le psychédélique et évidemment beaucoup le progressif également. Mais il faut dire que sur la même compile, on retrouve également Kevin Ayers, l'ancien Soft Machine décédé il n'y a pas très longtemps, et également Crown Family, Pentangle, avec les deux grands guitaristes John Renborn et Bert Jansch. Ça donne une bonne idée, excellente compile, comme à peu près tout ce que le magazine Mojo fournit avec ses revues, toujours plaisant à écouter. Et il y a toujours des bonnes découvertes à en tirer. Juste avant Woven End, on a entendu Inner Odyssey, un autre groupe du Québec avec Crazed, Hunted and Burmished. Je me suis demandé ce que ça voulait dire, Burmished. J'ai regardé dans la traduction en français via Internet, ça veut dire souillé, sale. Bon acheté finalement. Excellent morceau. Puis je pense que Inner Odyssey, ils sont encore. Eux autres aussi sont probablement sur le bord de sortir un autre disque. Et Colin est venu faire un tour avec Georgia Pine. Ça, c'était sur une compile du magazine Terra Incognita. Et on avait ouvert la danse, c'est le cas de le dire, avec My Morning Jacket Victory Dance, l'album Circuital. Et j'ai vu une ombre passer devant la station. J'ai presque l'impression qu'il s'agit de Stéphane Villeneuve. Mais I'm not so sure. En ce qui me concerne, ce soir, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter les émissions que j'ai montées, que en tout cas que j'en ai eu, à le faire justement, le réaliser. On va se quitter avec un habitué de Terrain Incognita et par la bande également des Illusions Auditives, parce que j'en ai fait passer à quelques reprises, le groupe Arabs et Aspic. On va entendre deux extraits de leur premier album, Aspic Temple et The Flying Norseman. C'est Vincent Delisle à l'antenne de CKRL qui termine Terra Incognita et cède la place à l'autoroute. Souhaite une bonne semaine, Keep Rocking Folks. On se reparle aux Illusions Auditives samedi prochain. Bye!